si elle a la patate, c'est parce qu'elle a la frite, Charline. Oh, que c'est drôle. Écoutez, il y a des jours où je me demande si fermer Schengen, c'est pas une bonne idée. Comme ça, moi, je rentre et je suis tranquille. Vous vous amuseriez moins si vous étiez en Belgique. Mais oui, alors je ne sais pas. Hein. Oui, on vous appellerait, mais de temps oui, en temps. Quoi. Écoutez, on a moins de petits soucis avec l'extrême droite, hein, je vous le rappelle. Vous avez Molenbeek. Oh là là, ne commencez pas sur ce terrain, nous allons prendre c'est un sympa, peu. C'est sympa cette émission, j'ai bien fait de venir. On va prendre un petit peu de hauteur en compagnie de notre invité. Allez. Guillaume Durand, on va parler art contemporain, etc. On va respirer, allez, écoutez comment nous avons quand même préparé consciencieusement cette émission ce matin, c'est parti. Bonjour les amis. Salut Charline. Mais dites donc, elle a l'air contente. C'est quand elle me voit, ça. Non, je suis pas certaine. Ah, Charline. Ah, oui, vous êtes là, oui. Oui, je sais, je leur fais ça à toutes. Détends-toi, petite. Alex, t'es là aussi, donc. Oui, oui. Bon, vraisemblablement, c'est pas moi qui fais cet effet. Non, un homme. Oui, un homme. Non, mais c'est mieux qu'un homme. C'est une femme. Non, mieux qu'un homme, c'est un président. Mathieu Gallet. Non, un autre président. Pas un président de la République, quand même. Non, enfin si, pas encore. Enfin si, il est président du Parti Les Républicains. Sarkozy, évidemment, c'était l'invité de la matinale, elle a rencontré. Rencontré mon Nico. Alors, est-ce qu'il a changé? Je sais pas, c'est la première fois que je le voyais. Ouais, c'est pas fou. Ouais. Alors, je vais me sacrifier, moi, pour gérer cette émission. Non. Si, parce que la Carla Bisse, on est en train de bien la perdre. C'est quelqu'un qui m'a dit que Carla, c'est fini. Ouais, elle chante pas mieux. Allez, on y va, les sujets. Nicolas Sarkozy. Non. Oui, enfin, disons que si on parle de Masseret en Lorraine, ça ramène à Sarko. Oui. Donc voilà, on va le faire un peu. Sujet 2. Nicolas Sarkozy. Enfin, elle a pas tort. Si on parle de Calmel, c'est à Bordeaux. On parle de Juppé, donc on est obligé de parler de Sarko. Parfait. Bon, et c'est deux, ça suffit. Maintenant, sujet 3. Non, Charline. Non. Mais j'ai rien dit là. Oui, on sent bien ce que tu vas dire. Non. Il n'y a pas de non. Moi, je décide du sujet 3. L'invité, c'est un ancien de Canal Plus. Ouais. On est d'accord. Donc, je voudrais qu'on parle du retour des guignols. Voilà. Ah, on va parler guignols. Oui. Oh, génial. On va encore parler de mon Nico. Bonjour la France Inter. Bonjour Nicolas, si tu nous écoutes. Et bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui décidera de sa ligne éditoriale dès qu'elle ne sera plus à l'antenne. On prend exemple sur Nico. Et voici les trois informations qu'on va toutefois tenter de rassembler de façon républicaine jusqu'à 18h. 30 ans qu'il est un baron socialiste dans l'Est, mais c'est en 48 heures qu'il s'est fait un nom dans toute la France. Jean-Pierre Masseret ne veut pas lâcher sa candidature au second tour des régionales. Paris lui demande de lâcher, mais lui, il ne lâchera rien. Balance ta gourmette en or là! Mais la chance, ça passe rien! Popeye, il a une énorme gourmette en or, il veut pas la balancer, il est! Du côté du parti Les Républicains, Paris met aussi son nez dans les régions, puisqu'hier soir, Nicolas Sarkozy, est venu soutenir en meeting la tête de liste en Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente, Virginie Calmels. Ce soir aura lieu une représentation théâtrale exceptionnelle, organisée par la célèbre compagnie Nicolas et Virginie. Canal Plus annonce le retour des guignols pour lundi. Ce retour a été annoncé par une campagne d'affiches publiée dimanche soir avec la réconciliation entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Première vanne, quoi. Oui, merci. Voilà, et je suis accompagnée de celui qui est jaloux depuis ce matin, on le sent bien. Parce que le créneau du guignol, il y a de la concurrence. Alex Vizorek. C'est pas faux. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe de penseurs et Guillaume Meurice. À 17h20, il jazz les mots, il prose les notes et c'est pas prêt, ça. C'est notre philosophe du clavier, c'est André Manoukian. Yeah, salut Alex. Bon. Comment vous m'appelez? Alex. Alex est un héros de bande dessinée quand j'étais petit. Bonjour Charline. Je vois très bien. Je suis un peu déçu par votre attitude, Charline, mais j'espère vous retourner tout à l'heure lors de ma chronique qui va parler du groupe Helvet. Helvet. C'est des Suisses. Très bien. Ça s'écrit E-L-V-E-T. Helvet. C'est des Suisses. C'est des Suisses. Il tripote. André Manoukian, il tripote pendant qu'il parle. 17h30. Il n'est pas intellectuel, c'est pour se mettre au niveau de ses interlocuteurs, voire même en dessous, histoire qu'il ne le voit pas arriver. Notre génie de l'accouchement verbal, Guillaume Meurice. Bonjour Alix, et bonjour, bonjour Charlène. Moi je suis allé aujourd'hui à l'Assemblée Nationale pour voir si les hommes politiques avaient réellement entendu le message des Français après le premier tour des régionales. On va faire un colloque, je vais venir chez vous à France Inter pendant une heure. Non, le gars confond déjà entendre et parler, ça commence mal. Et à 17h40, la stratosphère de cette émission. l'émission. Parce que déjà, elle est au-dessus de nous, mais surtout parce qu'elle est très très très très loin au-dessus de nous. Et c'est même pour ça qu'on s'en proche. C'est Isabelle Sorrente, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Aujourd'hui, je vais vous faire un poème en prose sur la tachycardie. Vous savez que vous êtes très attendue sur la tachycardie je par nos sais, auditeurs. Je sais que nos auditeurs attendent. Par notre invité. Oui, car chaque jour, dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Vincent Auriol, ça fait vintage comme ça, mais c'est pas si Clémenceau même. Ça a commencé l'accouchement sous Clémenceau. J'ai explosé sous Vincent Auriol. Alors, vous devenez journaliste à Europe 1 en 78, l'année où Bukowski arrive sur le plateau d'Apostrophe, beurré comme un petit lu. Vous vous présentez nulle part ailleurs sur Canal Plus en 97, quand ailleurs, Dorothée et la roue de la fortune disparaissent des écrans. Vous présentez la matinale de Radio Classique à partir de 2009, quand Oasis se dissout dans l'océan du rock. Et vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Je crains que je ne m'appelle Guillaume comme mon voisin, mais j'ai pas un nom d'hôtel, je m'appelle Durand, moi, je suis pas Maurice. Je suis un bon petit français. Guillaume Durand est avec nous. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Guillaume Durand, vous publiez chez Grasset « Mémoire d'un arythmique ». C'est pour ça qu'on parlera notamment tachycardie avec Isabelle Sorrente tout à l'heure. Alors, il s'agit de vous, de vos rencontres, de votre point de vue sur la société, le monde et l'art. Vous assumez tout à fait, d'ailleurs, le fait que vous aimiez parler de vous. Mais je me dis, est-ce que ça implique de vous regarder comme un personnage que vous êtes finalement aussi ? Je pense qu'on est toujours deux. Vous, Charline, vous êtes Charline et vous êtes aussi Charline. C'est-à-dire qu'il y a toujours un autre. Et en fait, quand on fait un métier médiatique, tout d'un coup, je deviens extrêmement sérieux alors que j'avais prévu de parler du baume du tigre. Mais enfin, on va y arriver au baume du tigre dans un instant. Mais on est toujours à un moment où on est tranquille, seul, en dehors du boulot, à la recherche de ce qu'on est vraiment. C'est juste ça, l'histoire de l'écriture. C'est une solitude pour les autres. Et donc, n'ayant pas la prétention de vouloir devenir romancier à mon âge, je me suis dit qu'il était intéressant de rôder autour de moi pour voir ce qu'il y avait d'intéressant, qui n'a évidemment aucun rapport avec mon boulot. Ça se sent que c'est un exercice. Mais moi, j'aime bien le côté prof. J'ai été prof aussi. Quand je dis exercice, par rapport au romancier que vous allez devenir. Non, je pense pas à ça. Je ne pense pas à ça. Parce que il y a des tas de gens qui écrivent des bons livres. Par exemple, Frédéric Mitterrand a écrit La mauvaise vie, qui était un excellent livre. Mais c'est pas pour ça que c'est un romancier. D'accord. Les romanciers, ce sont des gens qui engagent leur vie. C'est le cas de Houellebecq, c'est le cas d'Angot. Isabelle Sorrente aussi. Isabelle Sorrente ou Pauline Meurice, par exemple. Et ils essayent. Mais je crois qu'il y a une énorme différence entre écrire de temps en temps un bon livre, ou un mauvais livre, d'ailleurs, et le fait de s'engager dans une vie. Par exemple, je prends mon camarade André, on ne devient pas Bill Evans à 53 ans, pour parler des pianistes, ni même Rodin à 53 ans, ni même... Donc cette idée qu'on peut devenir romancier au milieu de sa vie, parce que vous avez été viré d'une radio, d'une télé, ça n'existe pas. Donc c'est un engagement personnel, mais c'est pas du tout... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu que ce soit un peu rock et un peu barré, voire un peu triste aussi par moments. Parce que le problème des mémoires de journalistes, c'est le drame, c'est de dire j'ai vu Stallone, Bruce Willis sort de derrière, Michel Rocard m'a dit, ma grand-mère. Alors il y a un peu de ça, parce que je suis quand même un peu plus. C'est les trois plus grands que vous avez rencontrés, voilà. Stallone, Willis et Rocard. Voilà, exactement. Et sa grand-mère. Et ma grand-mère. Et donc il y a ce défaut atroce des journalistes, et je les ai, donc qui est de vivre par procuration totalement. Oui, mais vous l'assumez complètement, donc c'est ça qui est très agréable. Je vais citer un passage de votre livre parce qu'il y a vous aussi et il y a du recul et de l'autodérision parce que sans ça c'est pas possible, ah bah j'imagine évidemment. Par exemple, vous racontez que vous vous égarez en faisant un jogging à la Nouvelle-Orléans. Exact. Où vous êtes là comme journaliste, hein, ouais, voilà, puis vous faites un petit jogging, vous vous retrouvez dans un quartier de la communauté Black Homo de la région. Et là, je suis tombée sur un colosse en tutu au physique de Michael Jordan, suçant une tétine qui s'est brutalement intéressée à mon petit cul. Tutu rose. Qui s'est brutalement intéressé à mon petit cul humidifié par l'effort. Ouais. Sur le moment, j'ai pété de trouille car je n'étais absolument pas préparée à changer de sexualité. Après un jogging égaré, j'ai fui comme un dingue vers leur quartier français pour retrouver mon hôtel. C'est vrai. C'est amusant que vous parlez de ça parce que vous êtes la première qui soulignait cet exemple. D'ailleurs, la première qui soulignait des exemples en général, parce que quand vous faites de la promo, vous vous rendez compte que la plupart des gens ont tourné les pages très très vite. Mais je me souviens, c'était pour l'adoubement. Elle a vu petit cul, elle s'est arrêtée dessus. Voilà. Le stabilo, non, il a fonctionné. Je me souviens de Reagan disant « George », c'était la convention du Parti Républicain. « George, George is the best. Il s'agissait de George Bush, le père, déjà à l'époque. Et effectivement, j'en pouvais tellement plus que j'avais été quand même à Nouvelle-Orléans. Il fait 35, 39 degrés l'été. Parce qu'ils vivent tous sous climatiseur. Et je suis sorti. Et hébété par la chaleur, j'ai quitté le quartier français qui est celui du jazz, etc. Mmh. J'ai couru. Les rues sont à angle droit jusqu'à ce que tout d'un vous coup... Vous êtes aventuré. Oui. Je me suis aventuré et là, tout d'un coup... L'instinct journalistique. Voilà, et je suis tombé sur une équipe de basket en tutu rose. Et il a gagné la course ou pas? Et là, j'ai eu très très peur car effectivement, j'étais encore à peu près frais mais je n'avais pas du tout l'intention de changer de sexualité. Avec le recul, est-ce que vous regrettez de vous être enfui? Peut-être. Ah. Bombe du tigre. Ouais. C'est le mec Guillaume Durand a fait un pari et doit placer bombe du tigre. Donc, il a dû gagner 10 000 francs là. S'il y a un gage à chaque fois, peut-être on peut le faire 20 fois. Si le gage c'est boire une bière, la personne qui vous a donné le gage sera bourrée. Je donne un autre exemple parce qu'il y a donc dans tout ce livre, il y a votre vision du monde, de l'art, etc. Et un tiraillement entre votre côté bourgeois sophistiqué et le côté punk rock. Je peux donner un autre exemple où vous parlez des manifs le mariage pour tous qui vous donne la nausée. Mmh. Il faudrait expliquer à tous ces faux catholiques que Michel-Ange a peint la chapelle Sixtine au lieu de la papauté, poursuivi par des assistants avec qui il jouait à Chabit. C'est vrai. Clair. C'est, tous les historiens de l'art vous le confirmeront. C'est même l'inventeur de Chabit, hein. On le sait que trop peu. Et voilà. Où l'art et la société se mêlent dans votre ouvrage, sous votre regard C'est vrai que prenez André Gide, Jean Genet, Andy Warhol, Oscar Wilde, etc. Tout d'un coup, mettre un pan de deuil sur une partie de la société qui nous a fabriqué, c'est une absurdité totale. Donc, je n'ai pas très bien compris ce qu'ils ont fait, nos amis, lors de cette manifestation. Ils n'ont jamais rencontré de blagues en tutu, peut-être. Voilà. Bah, ils devraient, ça leur fait peut-être du bien. Manque de curiosité. Allez, on est avec Guillaume Durand. Mémoire d'un arythmie qui s'est paru chez Grasset. Il y a notamment question de Led Zepp, que vous vénérez, dont vous parlez dans le livre. Led Zeppelin. Voilà, merci Charles. Vous savez que je les ai vus le 6 décembre 1969 à l'école centrale. J'avais 16 ans. J'étais en première au lycée et il y avait des groupes français qu'on a totalement oubliés, qui s'appelaient Triangle et Variations. Mais si, j'arrive là-bas et je vois donc ces quatre types sublimes qui sortaient de, on ne sait pas très bien où, parce que c'était des musiciens de studio, ouais, qui se sont formés sur le décombre des Beatles qui ont abandonné la partie en 1970. Et en fait, ça va faire plaisir à mon voisin André. Ce sont des sortes de rockers, musiciens de jazz. C'est-à-dire que ce sont des types qui étaient d'extraordinaires musiciens de studio que tout le monde faisait venir, même Paul Narev, Johnny, etc. pour Page, le guitariste. Et il y a un videur d'une boîte de nuit et d'un bar qui était une sorte de producteur amateur qui a dit je les coagule, si je puis dire, et on va faire un truc que personne n'a jamais fait, on va plus enregistrer de single, on va prendre des très très bons musiciens et on fait plus que des 33 tours et on part à l'assaut du monde, ils vont être imbattables sur scène. Et ils sont restés pendant, ils sont encore, à mon avis, dans l'histoire du rock, absolument imbattables sur scène. Led Zeppelin. Vous, vous voudrez pas faire des chroniques musicales parce que c'est clair ce que vous dites. Non, non, non, mais on apprend des trucs et voilà, et voilà. C'est concis. Et voilà. Aujourd'hui, Jimmy Page a découvert la musique arabe et les macas, mais ah non, ça c'est Oula, ça c'est voilà, plante. Voilà, c'est voilà, plante, c'est plante. Plante. Mais alors vous verrez, tous ceux qui nous écoutent regardent sur YouTube la soirée qui a été donnée en leur honneur par Barack Obama donc au Lincoln Center en 2011, et vous voyez Page qui justement est comme une sorte de tableau de Gainsborough, plante qui a une tête d'épagnole, je le raconte. Vous en parlez dans Moi, le livre. Moi, je peux regarder ça photo. Pendant deux heures, et vous avez tout le rock mondial qui sont là, les Foo Fighters, Lenny Kravitz, qui viennent s'allonger devant eux, et ce qui est assez marrant au départ. C'est que tout le monde les détestait, en fait, surtout les punks. Parce que c'est vrai que c'était des musiciens, c'était des virtuoses, mais pas au sens du guitariste de hard rock qui va très très vite et qui emmerde tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Non, non, mais Joe Satriani reste un excellent musicien. Du hard rock, c'est un très bon musicien. Et puis le lendemain de ce 6 décembre 69, je me réveille. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable ni rien du tout. Et qu'est-ce que j'apprends? Que le 6 décembre 69, en Californie, un concert des Rolling Stones à Altamont avait fait un mort. Et les gens ont écrit des dizaines de livres sur « C'est la fin de Woodstock, c'est la fin de cette période ». Et donc, je venais de voir devant moi des types qui essayaient de finalement d'entamer une grande aventure, celle de Led Zepp, mais bizarrement aussi une certaine forme de cérémonie funéraire du rock. C'est-à-dire que ça commençait pour eux, mais c'était déjà fini. C'est ce que Hendrix, je le cite d'ailleurs dans un livre, dans un partie d'un article, il dit maintenant il faut tout arrêter, ce qu'on fait c'est ridicule, les pantalons pas de def, jouer à toute vitesse, il faut passer à autre chose, et il rêvait de jouer avec Miles Davis, ce qui n'a jamais eu lieu. Et nous, avec Guillaume Durand, nous allons rocker l'information, c'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Alerte rouge à la pollution de l'air à Pékin. Le président Xi Jinping a donc quitté la COP21 pour retourner en Chine. Enfin, on pense qu'il y est, parce qu'il est difficile de distinguer s'il y est ou pas. C'est pas faux. Culture, une association catholique réussit à faire annuler le visa d'exploitation du film La vie d'Adèle en cause des scènes de sexe trop réalistes. Donc le film de l'autre côté du lit est autorisé puisque Danny Boone y conclut avec Sophie Marceau, ce qui est totalement irréaliste. Et puis il y aura aussi des brèves parce que le monde va vite. Et on commence par cette nouvelle. Manuel Valls a confirmé que le troisième kamikaze avait bien été identifié. En effet, Jean-Pierre Masseret a décidé de se maintenir en face de Lorraine Champagne-Ardenne. Non, c'est le troisième kamikaze du Bataclan. Alex. Oh, pardon. Non, parce que se maintenir dans le Grand Est, c'est du suicide un peu quand même. On connaît la personnalité de l'année pour Time Magazine, c'est Angela Merkel. Ah, moi j'aurais voté pour Schumacher. Ah bon, pourquoi? Parce que la personne alitée, il se pose là. Personne à l'été. Ah, il y a un jeu de mots, je crois. Voilà. Il y a un jeu de mots. Bim. Ne l'encouragez pas. Donald Trump continue les provocations et demande notamment qu'on débranche Internet. Oui, et pendant ce temps sur Internet, beaucoup de gens demandent qu'on débranche Donald Trump. France, Bernard-Henri Lévy a annoncé qu'il avait ouvert un compte Instagram et que cela l'amusait beaucoup. Aïe. Il a annoncé qu'il allait y poster notamment ses photos de Libye. Mais oui, on comprend l'enthousiasme de BHL qui pourra désormais truquer ses photos directement avec le filtre d'Instagram. Écologie, grosse vague de pollution donc à Pékin. Oui, et c'est un dossier extrêmement complexe. Donc pour maîtriser ça, nous nous tournons vers le 20h de France 2. On l'évoquait dès hier, la ville est engloutie par un nuage de pollution. Les enfants restent à la maison, les chantiers sont suspendus. L'alerte rouge est déclenchée pour la première fois. Alain Chalvron et Sylvain Giaumont sillonnés. La capitale, voici leur reportage. Ouf, on va savoir. Pujadas s'est intéressé au dossier. Il a envoyé Alain faire un reportage. On écoute le début. Voilà la capitale chinoise vue d'avion. Enfin, il faut que vous me croyez sur parole, car c'est vrai, on ne voit rien. Eh oui, pour bien sentir l'ampleur de la pollution, le journaliste a pris l'avion. Logique. Et puis... À l'arrivée, une bonne surprise. Ça roule comme jamais sur l'autoroute de l'aéroport. Idéalement, les jours de grande pollution, il est tout à fait conseillé donc de prendre la voiture. C'est plus cool et les autres roulent moins. Et pour terminer son reportage, Alain décide d'entreprendre une petite marche. Pour terminer cette balade dans le Pékin d'Herpocalypse, nous grimpons sur la colline de Charbon, le Montmartre local. Eh oui, Alain a choisi de monter une colline. Bref, Alain a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire un jour de pollution. On reste en Asie. Oui. Malaisie, les propriétaires de trois Boeing 747 priaient de se manifester. Effectivement, les trois avions traînent sur le tarmac de l'aéroport de Kuala Lumpur, mais personne ne sait qui sont les propriétaires. Eh ben, en Malaisie, pour les Boeing, la règle, c'est un de perdu, trois de retrouvé. Donc... Culture. Une association catholique traditionnaliste a réussi à faire annuler le visa d'exploitation du film La vie d'Adèle. Le visa qui est donc annulé par la justice en raison de scènes de sexe réalistes. Oui, donc c'est des gens qui croient que Marie s'est fait engrosser toute seule par le Saint-Esprit qui juge quelles sont les scènes réalistes. Et on termine par un hommage à Douglas Tompkins, le fondateur de la marque de vêtements de North Face, qui est décédé à l'âge de 72 ans. Oui, et c'est une excellente publicité pour cette marque spécialisée dans les vêtements qui résistent au grand froid, puisqu'il est décédé d'hypothermie sévère après que son kayak ait chaviré dans les eaux glacées d'un lac chilien. Ça fait partie des morts cons. Un candidat au Darwin Award. Nous sommes en compagnie de Guillaume Durand qui publie Mémoire d'un arythmique chez Grasset et qui présente aussi la matinale sur Radio Classique avec l'interview politique même en même temps sur iTélé à 8h15. Voilà. Donc... Je n'ai pas pu avoir Nicolas Sarkozy car il était chez vous. Ah bah voilà. Et puis Culture Club aussi chaque dimanche à 18h toujours. Alors ça c'est fini. Ah c'est fini. Alors c'est attendez. Fini, non, je... Par contre TV5 Monde ça on voilà, est toujours. Voilà, 300 millions de critiques toutes exactement. Les semaines. Donc, avec les, l'ouverture aux francophones, la RTBF, voilà. La RTS. Est-ce qu'on connaissez salue la Gerla, Charline. Mais bien sûr. Ben voilà. Eh bien, on le salue, on l'embrasse. Voilà. Sur TV5 Monde, donc Guillaume Durand. Premier sujet avec vous. Et soudain, la France entière découvrit Jean-Pierre Masseret. Tête de liste PS dans le Grand Est. Tête à claque pour certains. Arrivé en troisième position au premier tour, il n'a pas obtempéré aux injonctions de Solferino pour faire barrage au FN. Il ne se retirera pas. Alors, quand un candidat qui se maintient rencontre un candidat qui se retire, qu'est-ce qu'ils se disent? Je me casse. Arrête tes conneries, ne te défile pas. Tout le monde, sans exception, est concerné. C'est les libertés fondamentales. Ne bouge pas. Je finis de boire mon café. Je savoure mon café. Les savours. C'est un extrait de Big Lebowski. Alors, Jean-Pierre Masseret, en 48 heures, notoriété dans toute la France, mm-hmm. alors que ça fait 30 ans que le gars, il bosse, et en plus, il cumule conseiller régional de Lorraine, sénateur de la Moselle. Alors, il dit, moi, je partirai pas parce que ça fait 30 ans que je suis là. Je me suis dit, est-ce que, justement, comme ça fait 30 ans qu'il est là, et vu le résultat, est-ce que c'est pas temps qu'il parte Vous me posez la question. Moi, je pense qu'il est grève de la faim, moins 5, si vous vous souvenez, dans la salle. Bien sûr. Voilà, le berger des Pyrénées qui avait tout arrêté, plus un gramme de pain, il est limite. C'est la colline des hommes perdus, sauf que c'est dans le Grand Est, c'est pratiquement tout plat. Et il ne veut pas faire comme les autres. Il y a un côté touchant dans ce truc complètement délirant qui va aboutir à l'élection de Florian Philippot. Mais on se demande pourquoi c'est touchant, parce que la perspective n'est quand même pas très réjouissante. Oui, oui, oui. Et... parce qu'il y a une part de nous qui comprend aussi, qui ne veut pas lâcher et qui veut combattre. Mais... voilà, mais c'est un mystère personnel quand même, ouais. Parce que pas lâcher, pourquoi? Personne ne sait. Peut-être sa femme, son chien. Son salaire, hein, cumule les mandats. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je crois pas que ce soit sordide. Vous qui filez beaucoup la métaphore tennistique, oui. Notamment dans votre livre, et qui adorait ça. Ça s'appelle un lob. Genre... Masseret ? Oui. Ça, c'est une bonne question. Je pense que non, c'est plutôt le type qui sert et qui explose la tête du type qui est dans son équipe. Voilà. En double. Mais tu sais, il se baisse à la volée devant. Masseret est au service. Il a un service de type de 70 ans. Ça va pas très vite quand même. Hein. Donc, c'est pas très dangereux. Mais il lui colle quand même dans la nuque et l'autre tombe. C'est voilà. Vrai que la métaphore tennistique, ça marche bien en politique. C'est pas mal, non? On essayera tout à l'heure avec le sujet 2 sur Nicolas Sarkozy. Réfléchissez déjà. Je crains malheureusement que je sois prêt à tout. Nous aussi, on est presque à ce que vous soyez prêt à tout. Si vous êtes prêt à tout, vous êtes peut-être prêt et mûr pour une chronique d'André Manoukian. Ah, c'est ma grande passion dans la vie. Alors, petite circonvolution, on va passer par le challenge du siècle. C'est de remettre de l'humanité dans la machine. Pierre Rabhi, qui était l'invité de Nicolas Sarkozy ce matin sur France Inter, prône et vit le retour à la nature. Il dit qu'en vivant dans des cités, en dehors de la campagne, nous nous sommes coupés de la beauté. Nous nous sommes minéralisés, nous nous sommes enfermés dans un monde de pierres taillées à angle droit contre la douceur et la rondeur des paysages du monde. Pire, nous avons confié notre destin à des machines qui nous gouvernent sans âme. Finalement, le musicien semble être, avec le médecin et le fabricant de sextoys, celui qui utilise le mieux la technologie pour nous faire du bien. Jouer avec les machines, bidouiller la fée électricité, trafiquer les filtres, manipuler les oscillateurs. Oui, Charline, poussez à fond la manette de mon VCO, mon voltage control oscillateur. Faites-moi résonner mon générateur de bruit rose. Modulez-moi mon filtre passe haut et le passe bas aussi. Encore plus vite, modulez. Envoyez-moi une bonne sinusoïde et un signal carré aléatoire. Ah, comme c'était bon tout ça. Voilà. C'est surtout dégueulasse, Dédé. Il y en a partout. Les bidouilleurs de machines savent rendre organiques les synthétiseurs. Et lorsqu'ils en jouent avec du feeling, comme le fait le groupe Helvet, E-L-V-E-2-T, on se dit qu'on n'est pas loin de résoudre la quadrature du cercle. Le carré représentant le monde matériel, quand le cercle représente le monde spirituel. Mettre des cercles dans des carrés ou des carrés dans des cercles, ça n'a jamais été aussi simple. Et pourtant, c'est ce dont nous avons besoin. Donc, oui, ça paraît simple comme ça. Helvet et Pythagore, même combat. Helvet, en plus de sa science sonique, qui par ailleurs fut définie par Pythagore quand même, c'est le premier qui a défini les rapports harmoniques bien et qui sûr a défini la gamme. Guillaume Durand, quand vous êtes perdu, vous faites ça. Moi, j'observe le cheveu qu'il a perdu, qui est tombé sur cette feuille blanche, et je me dis, je ne suis pas le seul. Le groupe Helvet. J'ai 50 ans, il y a un drame collectif, c'est le drame du cheveu qui disparaît. J'espère que c'est un cheveu en tout cas. Le groupe Helvet avec un E, en plus de connaître parfaitement tous les rouages techno-musicaux permettant de dessiner des univers stratosphériques aux courbures sensuelles dans des explosions d'étoiles en formation. Mais j'ai fumé quoi moi ce matin? Le groupe Helvet possède un atout imparable, un sésame qui ouvre les portes de notre perception, un projecteur qui illumine les cavernes sombres et humides de nos consciences, une clé qui ouvre les serrures coincées de nos corps. Le groupe Helvet possède une voix, cette voix étant elle-même incarnée dans une chanteuse, parce que dans notre monde formidable, il faut encore des chanteuses pour sortir des voix. Elle est au cœur du dispositif sonique. Elle est le noyau de la galaxie, le pouls palpitant du quasar, le générateur de pulsations sensuelles. Elle est la reine de la ruche. Elle s'appelle Lynn. L-Y-N. Et voilà, une voix grave qui grôle, ce léger râle du gros chat qui s'étire. Et me voilà transformé en tuyau qui résonne. Le tuyau creux, c'est une image inventée par Jean Kelevitch. C'est pas un groupe de rock, hein, c'est un philosophe. Qui signifie qu'à l'écoute d'une musique qui nous prend, nous sommes envahis par l'émotion et nous sommes privés de notre cerveau. Alors dans ce cas-là, on perd notre faculté d'analyser, de nous distancier, et on n'est plus qu'un tuyau creux qui rentre en résonance avec la vibration émise. Nous sommes en même temps partie prenante du processus musical, puisqu'un tuyau vibrant émet un son, c'est le principe de l'orgue. Alors, ce groupe qui possède la clé de la technologie, qui nous ouvre en grand nos chakras du bonheur, d'où vient-il? La réponse dans son nom, même s'il a viré le H, Helvet est un groupe Suisse. Oui, les Suisses sont de c'est sacrés papier, musiciens. En fait. C'est ça. C'est tout compris, Guillaume Durand. Tout compris, en une seule ville. Et à l'origine, les Suisses... Au début, je me disais, tiens, c'est bizarre. Les Suisses sont à l'origine d'un des plus grands standards du rock, Guillaume Durand. Guillaume Durand. The Water de Deep Ben Paul, voilà. C'est un vrai, un pur et un dur. Voilà. Moi, je croyais que c'était Pythagore. On se retrouve Festival de Montreux, Frank Zappa est en train de jouer, il y a un fan un peu hystérique qui balance un fumigène et ça se met à cramer, tout le monde dehors, il y a Deep Purple qui est dans le coin et puis c'est là l'endroit où ils vont jouer le lendemain, ils regardent tout ça en train de cramer et ils regardent la fumée qui est en train de rôder au-dessus du lac Léman, Smoke on the Water. Le groupe, voilà, les Suisses sont de... Non, pas vous Guillaume, les Suisses sont de sacrés musiciens. Aujourd'hui, c'est moi qui prends feu à l'écoute d'Helvet. There's a feeling of safety, somewhere to hide where you feel free, from pressure be who you wanna be. It's just a question of being sheltered without being smothered, warmth without fire. Yes, home. It's just a vision of life, more than a child and a wife. It's what you will do with it. No rules, no obligation. Home. Don't be scared, it's alive inside you. Close your eyes, see the light inside of you. I'm there all the time. Helvet chante Home, c'est une découverte André Manoukian. Bah oui, sur Twitter, hashtag annule tout, quelqu'un qui dit sur une échelle de 0 à 10, André Manoukian et Chuck Norris aujourd'hui. Qui dit ça? C'est Pénélope. Ah, Pénélope, il faut citer. Guillaume Durand, vous êtes tout nouveau sur Twitter, ça y est. Ah bon, oui, oui. Ah hier, ouais, oui, j'ai vu ça. Vous n'avez pas l'air d'être au courant. C'est un faux Guillaume Durand. Rien dit. C'est bien ce qu'on vient d'entendre. Oui. Ouais. On dirait un peu Chadé descendant du Cervin. C'est pas mal. En fait, ce serait du post-hip-hop psychédélique. Voilà. Ouais, c'est ça. On peut s'arrêter là. Ouais. C'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Vous avez l'habitude de travailler ensemble ici. Oui, évidemment. Oulala, voilà. On passe trop de temps ensemble. Guillaume Durand est avec nous. Vous publiez Mémoire d'un arythmique chez Grasset. On va passer bientôt au moment Meurice. Vous avez un point commun. Tiens, je lis cette phrase. Vous parlez par exemple de Disney qui a même fabriqué une usine d'ados nymphomanes de poufs anorexiques qui viennent brailler leur révolte bidon comme le fait actuellement Miley Cyrus. Et vous ajoutez problème, j'adore ce que je déteste. Ah, c'est bien Miley Cyrus. Non, franchement non. Mais c'est vrai qu'adorer ce qu'on déteste, vous savez, c'est comme la... C'est que... Je vais faire 5 minutes le sérieux. J'ai toujours pensé que la dignité se fabriquait par... Enfin, était la somme d'un certain nombre d'indignités. Donc on a souvent bon goût à force d'avoir mauvais goût. Donc quand on voit des choses bizarres, absurde. une fois, deux fois, trois fois, à la fin, on se pose des questions. Et voilà. Et c'est peut-être une des puisqu'on techniques. Parle de mauvais goût. De Guillaume Meurice. Avec sa chemise à carreaux. C'est le moment Meurice sur France Inter. Oui, ben moi je vais commencer par vous rappeler le slogan de France Inter, c'est Inter, venez, les amateurs de jeux de mots se régalent. Et c'est un slogan qui incite les auditeurs à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ils ne se sont pas privés de le faire suite à ma chronique de lundi sur l'abstention. Les réactions sont variées, hein. Elles vont de « t'as vraiment rien pigé » à « t'es vraiment un gros connard hein. ». Voilà, ça c'est pour les plus modérés, bien sûr. En passant évidemment par « tu es le plus beau et le plus intelligent », puisque oui, ma mère est inscrite sur Facebook. Donc merci pour ça, pour toutes vos réactions. J'ai entendu le message des abstentionnistes. Oui, si je résume, vous voulez un personnel politique qui vous donne envie de voter, en gros c'est ça. Mais est-ce que les hommes politiques ont entendu ce message? Pour le savoir, je suis allé à l'Assemblée ce matin. Qu'en pense par exemple François Loncle, député PS de l'Eure? De deux choses une, ou bien on est sourd, ça peut arriver, ou bien on n'est pas un homme politique tout simplement. Et alors vous alors? Votre audition, comment ça va? Ben moi, ça va parfaitement bien. J'entends des deux oreilles. Non, aucun problème de ce côté-là, ni d'ailleurs des autres côtés, je vous rassure. Vous parlez de quel côté? De tous les côtés. Voilà, donc aucun problème d'audition pour la François. La digestion est bonne. Transit intestinal impeccable, hein, ce qui n'étonnera pas ceux qui disent « Ouais, les politiques, ils nous emmerdent ». C'est logique. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement, les citoyens? Réponse avec Sébastien Huyg du Parti des Républicains. Un message clair et des politiques qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Ah, donc pas les Républicains alors? Bah, c'est exactement le message des Républicains. C'est, ah bon? Oui, nous avons chez les Républicains un pack soudé. Le pack est soudé vraiment? Le pack est soudé, je vous assure. Si vous me dites que c'est soudé, moi je comprends. Si vous me dites qu'il n'y a pas de fracture entre Nadine Morano et Nathalie Kosciusko-Morizet, je vous crois. Vous pouvez toujours prendre des gens qui sont prêts à cracher sur notre formation politique pour se faire de la publicité. C'est quand même des personnes qui sont assez isolées. Alors, assez isolées, mais pas du tout exclues hein, pour l'instant. Nadine Morano fait donc partie du PAC. Hein. À mon avis, elle l'a bu le PAC hein, d'ailleurs. Hein, les conneries qu'elle débite, c'est assez violent. Alors, un petit peu de douceur dans ce monde sans pitié avec un autre homme politique qui s'appelle Jean-Claude Mignon. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Il est député des Républicains de Seine-et-Marne. Et qu'est-ce qu'ils veulent les Français, selon Jean-Claude? Je crois que ce n'est pas la peine d'aller fantasmer, d'aller discuter de sujets qui leur passent au-dessus de la tête. Ce qu'ils veulent, c'est du congrès pour améliorer leur quotidien. Du concret. Du concret, bien sûr. Voilà, les amateurs de lapsus se régâchent. Les électeurs veulent du concret, du congrès, du magret, voilà, tout ça. Mais quel est le message que Jean-Claude veut leur envoyer pour les réconcilier avec la politique ? C'est difficile de répondre à cette question. Les Français ont beaucoup de mal à comprendre. On s'évertue à montrer des images de vide de l'hémicycle, etc. Bon, tout ça, évidemment, se paye un jour. On perd notre crédibilité. Oui, il faut arrêter de montrer des images d'hémicycle vide. Faites des images de synthèse pour rajouter les députés qui viennent jamais en séance. Ça pourrait d'ailleurs arranger Jean-Claude. Hein, 23 semaines d'activité sur 40, selon l'Observatoire des parlementaires, nosdéputés.fr. Mais bon, il n'a pas que ça à faire, hein, Jean-Claude. Il a plein d'autres activités. Il est également membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il cumule. Il a même été maire jusqu'en 2014, poste qu'il regrette un petit peu d'ailleurs. A-t-il peur de perdre pied avec la réalité ? J'en suis même malheureusement convaincu. Je vois bien que depuis le mois de mars 2014, j'ai beaucoup plus de mal à être au contact avec la réalité du terrain. J'ai beaucoup moins d'occasions de le faire. Mais pourtant, vous n'avez qu'à prendre un billet de RER et aller en Seine-Saint-Denis et aller à une terrasse de café. C'est ce que je fais tous les jours. Voilà, j'ai pas dit tous les jours non plus, attention à Jean-Claude, parce que là, du coup, ça explique vachement ton absentéisme à l'Assemblée quand même. Bon, alors concluons avec Yves Durand. Lui, il est député du Nord. On a entendu le message des Français. L'autre sujet, c'est non seulement de l'entendre, mais de le comprendre. Ah, vous l'avez entendu, mais vous ne l'avez pas compris encore. Il faut le comprendre. Et comprendre, comprendrerait en français, ça veut dire comprendre avec. C'est-à-dire qu'il faut l'assimiler, se l'approprier pour pouvoir y répondre. Bon, ça va prendre combien de temps, ça ? Ah, c'est urgent. Oui, je confirme, hein, Yves, c'est urgent, et puis c'est votre boulot, surtout. En tant que citoyen, peut-être que c'est urgent aussi de se dire qu'on n'est pas toujours obligé de voter pour les partis qu'on nous présente comme les trois premiers, qu'il y a plein d'autres listes, plein d'autres candidats à découvrir, et que si on ne se sent pas représenté, on peut même se présenter, et bim ! Spéciale dédicace pour les amateurs de jeux de mots. Merci, Guillaume Meurice, nous avons entendu votre chronique, tout bien à fait. Sûr. Hein, quand on est au responsabilité, il en va de notre devoir. Guillaume Durand est avec nous jusqu'à 18h. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Ah bah alors je vais vous les annoncer. Il y a André Manoukian qui a eu son temps de parole, donc il n'a plus rien à dire. Et Isabelle Sorin qui a ses 14 minutes qui arrive très prochainement. Oui, chronique. Non, parce que je n'ai pas développé les cercles. Oui, avec c'est très bien. Alors le sujet 2, on s'attarde maintenant. Je développerai. Merci Isabelle. Vous seule me comprenez. Sur quelque chose de beaucoup plus sexy qu'André Manoukian, on va s'attarder sur la tête de liste. La tête de liste de l'Union de la droite et du centre pour les régionales en Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente. Ah bah oui. Ça n'a pas l'air attractif comme ça, et pourtant, c'est une papesse de la télé-réalité, de la télé, qui est aujourd'hui un pilier du dispositif Juppé, Virginie Calmels, ex-patrole d'Endemol, donc le loft, tout ça. Et elle était en meeting hier soir avec... Oh, Nicolas. C'est pas vrai. Ici la voix. Virginie, pour cette soirée des confidences, la voix pense que certaines vérités ne peuvent être dites que les yeux dans les yeux. Ce soir... Quelqu'un a fait le déplacement pour te parler. Regarde attentivement l'écran. Moi, j'ai la France en moi. J'y peux rien. Je l'ai toujours aimé, notre pays. J'ai jamais changé. Toutes les vérités sont-elles bonnes à entendre ? Virginie, tu as à présent le choix. Quelle est ta décision ? Oh, que j'accepte ! Voilà, c'est la politique réalité qui dépasse la téléfiction. Alors, vous, Guillaume Durand, qui est un homme de médias, un journaliste fan de télé-réalité. Non. Vous avez. Candidat, il a participé à Secret Story. Chirac Jospin, vous avez été le journaliste. Ah oui, avec oui, j'ai arbitré le débat des présidentielles. Vous avez arbitré, je cherchais le mot, merci. Je suis confus, je vous en prie. Voilà, 1995. Virginie Calmels, première adjointe du maire de Bordeaux, Alain Juppé, depuis mars 2014. Elle a été dirigeante à Canal, elle a dirigé Endemol aussi. Vous pensez que c'est peut-être elle qui a rendu Juppé hype ? Parce que maintenant, c'est un hipster avec la barbe qui pousse à l'intérieur. Ah oui. J'ai l'impression que Juppé, c'est la revanche du Sud-Ouest contre le Sud-Est, la France. C'est-à-dire que la France du Sud-Ouest, qui est celle de Bordeaux, de Biarritz, finalement, c'est une France anti-méditerranéenne. Beaucoup moins snob, beaucoup plus libre, beaucoup plus surf. Un mélange entre la culture, le vin. Et je crois que dans la droite d'aujourd'hui, il y a un peu cette espèce de ligne de partage, justement. Tout d'un coup, je suis hyper pompeux. C'est intéressant, cette géographie. Ouais. Et vous savez, quand on demande aux Français où est-ce qu'ils veulent aller en vacances, ils disent tous, on veut aller en vacances dans le Midi. Et quand on leur demande où est-ce que vous voulez vivre, ils disent tous, on veut aller vivre dans le Sud-Ouest. C'est la grande région d'immigration des cadres, des bobos, etc., qui veulent aller vivre entre Bordeaux, Arcachon, Biarritz, etc. Et donc Virginie Calmel, c'est dans ce profil. Alors elle, je ne sais pas du tout, ça c'est une autre chose, on en parlera peut-être tout à l'heure avec l'histoire des Guignols, mais moi je crois beaucoup à la société postmoderne et au fait que la politique et les médias, c'est devenu exactement la même chose. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est un gigantesque jeu de massacre. C'est pas une élection comme on a voté pour Mitterrand ou Courgiscard en 81 ou comme ça s'est reproduit en 95. Beaucoup de gens qui votent Front National, il y a des gens aujourd'hui par exemple qui votent pour des raisons sociales évidentes, la colère. Vous avez des artisans ou des commerçants ou des petits chefs d'entreprise qui votent pour des raisons qui tiennent au RSI, c'est au fait qu'ils sont pendus. Et puis, il y a une partie jeu de massacre. Vous avez des gens de gauche qui sont très contents de voir tomber Sarkozy. Et de l'autre côté, vous avez des gens aussi qui votent pour le Front National parce que c'est une manière de détruire. Et c'est pour ça que je déteste Tarantino, parce que finalement, ça, moi, je ne l'aime pas du tout. Parce qu'il y a dans cette idéologie très contemporaine qui est celle du massacre, c'est-à-dire du personnage. La violence. Non, mais c'était le truc gratuit, Brad Pitt en Asie, pour se marrer. Donc il y a beaucoup de gens... Vous parlez d'Inglorious Bastards. Oui, c'est un des films que je déteste le plus au monde, d'ailleurs, pour des raisons qui sont la disparition absolue de la morale. C'est pas un vote, il n'y a pas un programme sérieux. Il y a simplement l'envie de dire, lui, il va mettre un genou à terre. Mais vous voyez, tous les gens qui nous écoutent ont autour d'eux, non pas des gens qui votent forcément Front National, mais qui se disent, à travers ce vote, il y a la destruction des autres. Quel bonheur. C'est marrant que vous aimiez l'art et vous parlez de l'art opposé à la morale. Tarantino, c'est un artiste, il n'est pas responsable de la morale. Les artistes contemporains sont responsables de morale. Non, mais on peut avoir quand même, on peut mettre en scène la guerre du goût. C'est pas parce qu'on est on n'aime pas tout. Heureusement d'ailleurs, autrement... D'ailleurs, vous dites dans le livre que l'art est le seul sujet sur lequel vaut la peine de s'étriper. Oui, c'est vrai. Et regardez l'ambiguïté terrible d'ailleurs de l'histoire du Bataclan. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont été au Bataclan et malheureusement, je lis tous les jours dans Le Monde les petits portraits des gens qui ont disparu. Mais il y a plein de gens qui étaient persuadés que les Eagles of Death Metal, c'était un groupe d'extrême gauche. alors qu'en fait, ce sont ce qu'on appelle aux États-Unis des libertariens, ce sont des gens qui sont, qui font du Clint Eastwood et du rock parodique. Alors que ceux qui les ont vus, une partie même de ceux qui ont disparu, étaient persuadés que c'était une sorte de réinterprétation des Doors inscrits à la Ligue communiste. Guillaume Durand est avec nous. Mémoire d'un arythmique chez Grasset. Arythmique, un mot qui a inspiré Isabelle Sorrente. Tout à fait, Charline. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de tachycardie et de transe. Car je fais partie, comme vous, Guillaume Durand, de ces personnes dont le cœur s'emballe avec beaucoup trop de passion. Il y a quelque chose de terrible, je vous le dis, dans une crise d'arythmie qui rappelle l'oubris, le crime de démesure des Grecs classiques, le crime d'emballement qui était puni par la némésis, un rappel des limites, un ralentissement inquiétant comme si le cœur se suspendait entre deux battements. Oui, notre cœur s'emballe d'amour, de colère et d'effroi. Mon cœur est un tambour en transe. Voilà ce que j'ai pensé lors de ma première crise de tachycardie. Alors, la vôtre vous a surpris en fin de soirée, la mienne à 3h du matin, cette heure que Bergman appelait l'heure du loup, une heure où on est absolument seul au cœur des ténèbres. Oubris, némésis, oubris, némésis. Penser à ce genre de choses n'a fait qu'aggraver le processus et je me suis retrouvée aux urgences avec une prescription de bêta-bloquant. Alors, pensez que nous avons dans notre poitrine un muscle rouge et mythologique n'aide pas du tout à calmer ses battements. Alors, quelque chose qui marche bien et que je peux recommander aux respirez, auditeurs... Respirez, Isabelle. Oui, non, ne vous inquiétez pas, je maîtrise, Charline. Pour calmer une tachycardie liée à l'excès de passion ou à une peur de mourir soudaine dans une rame de métro, c'est de calmer le muscle magique en pensant à quelque chose de terriblement fastidieux et prévisible auquel vous n'échapperez pas. Par exemple, le paiement de la prochaine tranche d'impôt, la prochaine réunion de copropriété ou le prochain discours de Marion Maréchal Le Pen. Je vous assure que le muscle mythologique se calme tout de suite et que les tambours de l'amour et de la guerre qui le font battre s'apaisent pour laisser place à un regard froid. Edgar Morin dit que nous sommes des homo sapiens démens, des hommes sages et déments donc. Notre cœur carbure à la foi, à la raison et à la magie, à la science et au mythe. Pour Platon, il est le lieu de l'âme irascible. Pour les orientaux, la sagesse du cœur s'oppose à la folie du mental. Alors la tachycardie n'est pas toujours liée à la passion, elle peut venir, toujours à l'heure du loup, d'un effroi quasi religieux devant les mystères de l'esprit humain. Je pourrais vous donner plusieurs exemples littéraires. littéraire, mais j'ai envie, après la chronique d'André, de rester en Suisse et de vous parler de Carl Jung. Oui, le père de la psychologie des profondeurs a avoué ses crises de tachycardie à l'un de ses meilleurs amis, le prix Nobel de physique Wolfgang Pauli. Car Jung et Pauli, le père de l'inconscient collectif et celui de la physique quantique, ont entretenu une passionnante correspondance pendant plus de 25 ans. Alors, il faut savoir que cette amitié est née le jour où Pauli est venu se soigner à la clinique de Carl pour se guérir de son alcoolisme et d'une difficulté à approcher les jeunes femmes. Alors, je recommande cette correspondance à nos éditeurs, elle est extraordinaire. Dans l'une de ses lettres, donc, Jung explique à Pauli qu'il voit en rêve des animaux sauvages qui tracent des routes au milieu de son esprit, que ces animaux n'aiment pas qu'il les surprenne en rêve et qu'ils s'éveillent avec des tachycardies abominables. Le cœur accélère parce qu'il comprend le fonctionnement de l'esprit. C'est sans doute ce qu'avaient compris les premiers poètes. La science se nourrit de poésie et la poésie mange la science. Alors que le second tour des régionales se prépare, voilà qui fait réfléchir. Car ce que proposent les extrêmes de tous bords, c'est avant tout un discours qui parle au cœur. Un discours poétique avec ses rythmes et ses métriques, un discours qui parle aux passions irascibles. On ne peut répondre à un discours poétique par un discours gestionnaire. Il ne sera pas entendu même si on a la raison de son côté, car l'oubris est une tentation irrésistible. La tâche qui attend les partis républicains dans les jours à venir va être de trouver des mots qui n'expriment pas seulement le calcul, mais leur passion de la mesure. Mesdames et messieurs les élus, soyez sobres et passionnés, tenez ce qui est intenable, bref, soyez arythmiques. Yeah, la Isabelle Sorrente. Bravo, magnifique. Je vais réécouter en podcast. Merci Isabelle. Pardon ? Non, mais cette idée de l'effroi, pour l'avoir justement connue, c'est le point de départ du livre. C'est un type qui a voulu assassiner moi et mon père quand j'étais petit. C'est tout à fait juste. Ça installe une espèce de fête foraine immaîtrisable à l'intérieur de soi qui se réveille à tous les moments où l'angoisse revient. Et tout à l'heure, on parlait de la nécessité de trouver l'autre, on rigole bien, etc. Mais quand tout d'un coup, effectivement, au cœur de la nuit, pour des raisons X, Y, Z, tout d'un coup, ça ne va pas bien et que quelque chose dérape, c'est une expérience limite qui est à la fois profondément poétique et épouvantablement saisissante. Et clinique aussi, que vous décrivez dans votre livre. Hein, Mémoire d'un, et clinique aussi, que vous décrivez dans votre livre Mémoire d'un arythmique paru chez Grasset. Le troisième sujet avec vous, Guillaume Durand, les guignols de l'info reviennent dès lundi sur Canal, encryptés et avec un léger remaniement qui laisse penser que ce sera plus piquant et plus percutant qu'avant. Hein. On connaît déjà le générique, alors je vous propose un extrait. Hein. C'est pas possible. C'est toi qui as choisi. Moi j'aime beaucoup Chantal Goya. De ses ennemis, parle par ici. Mais il est avec moi aujourd'hui. 3, 4. C'est guignol. Bon, alors. Pas de préjugés, on attend lundi, on attend de joie. Je pense qu'il y aura un petit morceau quand même en clair. Oui, alors sur Dailymotion, c'est pas sur Canal+. Voilà. Alors ça y est, donc ils reviennent lundi. Vous êtes enthousiaste de ce retour ou bien les choses sont un peu mal pour Canal, ça fait partie de l'ADN. Les Canal sont les guignols, c'est pas exactement ce qui est normal à Canal ces derniers temps. Oui, mais enfin bon, je veux pas. Vous avez publié La Peur Bleue, dans lequel vous dénonciez les manœuvres et les dérives de la chaîne privée. Là, on est dans La Peur Bleue foncée ou pas? Mais à l'époque, moi, je dois dire que maintenant, j'ai pris un peu de recul avec ça. J'ai très mal vécu ce passage-là et en même temps, j'y étais très heureux. Donc, on est un peu dans l'histoire de l'effroi dont parlait Isabelle tout à l'heure. Donc, j'ai écrit La Peur Bleue. C'était aussi injuste que peut-être le traitement qu'il m'infligeait. Mais moi, j'étais injuste à leur égard. Je crois que c'était le début d'une période où le jeu de massacre dont on parlait tout à l'heure commençait à prendre des proportions qui, pour ceux qui le subissent, deviennent totalement insupportables. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison ou le droit de le faire. Mmh. Ça veut dire que quand vous êtes au milieu de la bagarre et que tout d'un coup vous êtes transformé en quelque chose qui vous échappe, on prend la chronique de mon voisin que j'adore sur Helvète. On peut faire ce qu'on veut avec ça. Tout est possible. Et il est aussi possible de ne pas le supporter. Donc, on n'en est pas là. Voilà. Non, mais c'est ça. Donc, effectivement, c'était un mécanisme qui se met en place, qui est très difficile à arrêter. Mais l'essentiel, ce serait que ce soit drôle, d'abord et avant tout. Parce que si ce n'est pas drôle, l'opération est foutue. Et oui, alors, donc, l'émission satirique parlera à un public mondial avec des sketchs en anglais et en espagnol. Mais je rappelle qu'en France, c'est encrypté, on peut se brosser. Voilà, c'est un petit peu l'esprit. Oui, donc il y a vraiment une ambition internationale. Là, il y a Kim Kardashian, il y a Justin Bieber et moins de politique française. On a hâte. Jean-François Copé va être très connu en Amérique du Sud. Caramba. Alex Vizorek, qu'est-ce que vous auriez éventuellement une proposition à défendre? Justement, chaque fin d'émission, Guillaume Durand propose à notre invité de participer à un sketch avec nous. Ouais. Et vous n'allez pas y échapper si vous acceptez. Ah, mais j'adore ça. Je vous donne un rôle, celui de Christian Estrosi. Ah, évidemment, oui, je pense que c'est le rôle que vous auriez choisi. Vous avez bien fait de donner des notes, il a toujours des notes, donc c'est parfait. Voilà, vous avez le texte. Et évidemment, il doit être coaché parce qu'on lui demande d'être plus à gauche en ce moment pour aller ratisser un peu tout l'électorat de gauche. Son coach, c'est Guillaume Meurice. Vous êtes Christian Estrosi. Bonjour Monsieur Estrosi, je suis votre coach. Super jogging, fitness, cardio, par contre vraiment. Non, je suis votre coach pour travailler votre pensée de gauche. Oh là là, vous savez, moi la pensée tout seul, c'est déjà pas mon truc, mais la pensée de gauche... Mais pas de souci, je suis là pour ça. On va commencer doucement. Commençons par Mitterrand. Il était de gauche, c'est le vieux là. C'est ce qu'il disait, hein, c'est ça qui compte. Vous allez faire pareil, vous. Vous voulez que je mente? Un peu, voilà. Vous savez que je suis de droite, moi j'ai de l'éthique, monsieur. Ah bah vous voyez, vous y arrivez à mentir, hein, c'est bien, ça va le faire, ça va le faire. Bon, vous connaissez l'international? Si je connais l'intérêt national, moi, mais bien sûr, d'ailleurs, je le crie, l'intérêt national d'abord. Non, laissez tomber. Donnez-moi des points de votre programme. Alors, primo, je ne veux pas voir de drapeau algérien dans toute la région, PACA, point d'exclamation. Mais pourquoi? Pourquoi, ouais, bien sûr, évidemment, mais pourquoi vous... Pourquoi vous ne voulez pas ça pour c'est l'interrogation? C'est parce que j'aime le vert, point d'exclamation. Ah, on y vient. Les socialistes non plus n'aiment pas les verts. Autre point de votre programme. Faut renvoyer les Roms. Mais non. Quoi, c'est pas de gauche, ça? Bah non. Mais Valls l'a fait. Bah oui, bah justement. Mais j'ai fait du social, j'ai imposé pour les transports. Un euro, vous le dire? Ben voilà, ça c'est bien. Je voudrais bien m'étendre cette proposition à tous les vols aller simples vers tout le continent africain. Ouais, voilà, c'était trop beau. Bon, tant qu'on y est, quelle est votre position sur les migrants? On les laisse se noyer dans la Méditerranée, non, pour l'exclamation. Non. Il faut se différencier du FN. Proposer du social un peu, là. Très bien. Ouais. On les laisse se noyer à l'aquaplage d'Antibes. C'est déjà une belle main tendue. Mais je pense que vous pourriez être encore plus à gauche. Ah non, plus à gauche que ça, impossible. On leur offre l'entrée pour se noyer à l'aquaplage d'Antibes. On est mal. Vous savez, j'ai un vrai point commun avec la gauche. Non, je suis pas certain, là. Si, mon point commun avec la gauche, c'est qu'on va perdre dimanche. Guillaume Durand, Christian. Alors, quand on a une passion un peu pour Mitterrand, vous avez beaucoup Mitterrand, jouer Estrosi, ça fait pas trop mal. Mais il faut de tout. Hein. Puis c'était un rôle. Hein. Comment? Puis c'était un rôle. Hein. Personne pense que vous êtes Christian Estrosi. Ouais, peut-être. C'est ça les grands comédiens. Si, parce qu'il a hyper bien joué. Moi, à un moment donné, je pensais que il manque une sorte d'accent. Voilà. Confiance en soi, peut-être. Comment? Une confiance en soi que Christian a plus que vous dans cette interprétation. Peut-être, oui, je l'ai un peu musclé. Oui. Je l'ai un peu musclé. Ou alors, si vous mettez en slip de bain dès qu'il fait beau, ça peut aussi Christian Estrosi dans un sens. Ça manque de gomina. J'ai en train d'imaginer qu'il fasse beau, que je sois en slip de bain et que je sois Christian Estrosi, ça fait beaucoup en même temps. Ça fait beaucoup de choses. On a l'image aussi maintenant. Guillaume Durand. Donc, je rappelle aussi que vous présentez chaque samedi sur TV5 Monde, le magazine francophone culturel. 300 millions de critiques. Vous êtes entouré d'une bande de journalistes. Les mêmes que vous. Eh ouais, issus de chaînes francophones, la RTBF, la RTS, Télé-Québec, Radio-Canada, et ça permet de prendre pas mal de recul, notamment de remarquer que Téléphone qui se reforme, les Québécois, ça les fait bien marrer, par exemple. Voilà, exactement. J'ai appris que pour gonfler ses pneus, en fait, les tirs ton char, par exemple, Mathieu Dugal est un correspondant absolument extraordinaire et hilarant, et très, très, très, comment peut-on dire, pointu. Il adore les détails. Et moi aussi. Et donc une ouverture sur la francophonie avec vous sur TV5 Monde. Vous présentez la matinale sur Radio Classique et l'interview politique en même temps sur iTélé à 8h15. Et puis Mémoire d'Arnaud. Sur LCI, Charline. Vous êtes fâché avec tout le monde. Oh là là. Sur iTélé. Non, vous ne vous rendez pas compte. On salue Bruce Toussaint. On prend une fiche. Mais Mémoire d'un arythmique, c'est chez Grasset. On était ravis de vous recevoir. Merci Guillaume Durand. J'étais ravi de venir. Le mot de la fin, celui qui s'accroche à sa candidature dans l'Est et qui ne veut rien lâcher. Balance ta gourmette en or là! Mais Popeye, il a une énorme gourmette en or, il veut pas la balancer, merde!